Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, je vous l'annonce sans détour, j'enlève le haut. Oui, et si ça vous plaît ensuite, j'enlève le bas. Promis. En vérité, je m'appelle Myriam et je suis le personnage publicitaire d'une campagne intitulée précisément « Demain, j'enlève le haut ». Un slogan et une photo qui nous replonge dans l'atmosphère festive du début des années 80, celle qui a élu un socialiste au pouvoir pour la première fois depuis le début de la Ve République, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère, plus sociale et surtout, on l'a un peu oublié, assez libertaire. En quelques années, la France branchée ou chébran passe de la détestation des puissants à la passion du pouvoir, de la révolution permanente à l'acceptation d'un libéralisme de gauche. Une nouvelle ère qui consacre un certain regard porté sur le corps de la femme qui désormais doit s'assumer jeune, sain et musclé. Une instrumentalisation à tout va, tant elle peut faire vendre et célébrer l'idée de la joie de vivre que certains n'hésiteront pas à pervertir. Une idée orchestrée, nous le verrons, par les plus hautes sphères de l'État. Et c'est donc une image qui incarne ce tournant estival et féminine, une campagne de pub que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître et qui serait peut-être difficilement concevable de nos jours. Une histoire qui a connu des hauts et des bas et qui nous dit tant de choses sur hier et aujourd'hui. Notre invité, Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, auteur du livre intitulé « Les années longues, une histoire des politiques culturelles 1991-1993 » qui vient de paraître aux éditions de la Documentation française. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. C'est fantastique, absolument fantastique. Moi, je crois que la France a une possibilité d'échanger. On va voir une l'air. Vive le tonnerre ! Vive le tonnerre ! Vive la pluie ! Vive la France ! Août 1981. Cela fait 100 jours que la France a élu François Mitterrand, qui, comme ses prédécesseurs, connaît ce qu'on appelle l'état de grâce, qui n'offre qu'une seule certitude, il ne dure pas. C'est dans ce contexte, donc, que la France prend ses quartiers d'été, va bronzer, en rêvant d'un monde meilleur. Mais savent-ils, les Français, durant ce mois d'août 81, depuis leur camping de bord de mer ou leur maison de campagne, qu'un bouleversement sociologique s'opère? Une mutation par laquelle les fantasmes prendront le pouvoir sur les actes, les slogans sur le fond, le vide sur le réel. Un bouleversement qui va l'accueillir dès leur retour de vacances, sous la forme d'une image affichée en 4 mètres sur 3 sur les murs de toutes les grandes villes de France. Une idée sorti tout droit du cerveau de ses fils de pub que sont Pierre Berville et Joël Lebert. Tous deux, respectivement concepteurs, rédacteurs et directeurs artistiques, travaillent pour l'agence CLM BBDO, une multinationale basée à New York, qui fait elle-même partie du groupe Omnicom, deuxième plus grand groupe de communication au monde, présent dans 80 pays et qui emploie plus de 15 000 personnes, un titan donc, qui bientôt en France recrutera des personnalités telles que Frédéric Becbédé et Étienne Chatiliez. Nous y reviendrons. À travers leur campagne pour l'afficheur à venir, Lebert et Berville vont non seulement contribuer à dynamiter les codes culturels de l'époque, mais aussi relancer le débat sur la question de l'exploitation de la femme dans les médias. Myriam, on a imaginé ça en une heure, en rigolant, en vous rendant Pierre Berville quelques années plus tard. C'était les années 70 et 80, l'âge d'or de la pub. C'est incroyable la liberté qu'on avait à l'époque, et les moyens étaient là. C'était une période heureuse, très productive, genre... C'était mieux avant. L'idée initiale de l'afficheur à venir, lorsqu'il signe ce contrat avec l'agence BBDO, c'est de montrer qu'ils sont capables de tenir les délais des dates d'affichage sur les murs des grandes villes. Des délais qui pâtissent alors d'une organisation pour le moins erratique. On signe pour un affichage, mettons du 2 au 10 juillet, mais au final, il n'est pas rare que cet affichage ne prenne forme que du 8 au 14. Bref, un joyeux bazar. Eh bien là, on fait le contraire. En termes de pub, c'est un coup de génie qui va marquer les esprits durant des décennies. L'affiche en question, c'est donc la photo de Myriam, une jeune femme brune, cheveux courts et mouillés, qui prend la pose, les poings sur les hanches, en bikini, conquérante et souriante, dos à la mer. Sur le côté gauche, c'est quelques mots Le 2 septembre, j'enlève le haut. Des mots qui sonnent comme une promesse ou une provocation, c'est selon. Et le 2 septembre, Myriam est de retour, même pose conquérante, mais cette fois c'est un nu. Oui, elle a bien enlevé le haut. Et ce n'est pas tout. Cette fois, sur la gauche, les Français peuvent lire « Le 4 septembre, j'enlève le bas ». Scandale. Les Français s'interrogent, s'indignent ou se régalent. Là encore, c'est selon. En tout cas, on ne parle que de ça, ce qui, pour une pub, porte un nom. Le succès. Dès le 5 septembre, au nom des articles 283 et 290 du Code pénal, le tribunal de Lille condamne l'afficheur à recouvrir partiellement ou totalement ses hanches qui émeuvent. Mais ce n'est pas tout. L'avocate Gisèle Halimi et Yvette Roudy, alors ministre de la Condition féminine, tentent de saisir l'Assemblée pour décider le vote d'une loi antisexiste. Et les médias s'en emparent. Dans Libération, Serge Julie écrit. Myriam est l'anti-lascive. Et cette campagne témoigne en fait d'un phénomène de société. La représentation du corps féminin a changé. Avant d'être un objet de plaisir ou un support de désir, le corps est désormais une religion, une passion, qui pour s'assouvir a besoin de tous nos soins. Le 4 septembre, après 2 jours d'interrogation et de débat, voilà que Myriam à nouveau apparaît. Et elle a bien enlevé le bas. Mais la pirouette, si je puis dire, est que cette fois, elle s'est retournée. En somme, elle nous montre ses fesses. Et les Français sont bluffés. C'est alors qu'ils découvrent, toujours sur le côté gauche, le motif de cette campagne de publicité. À venir, l'afficheur qui tient ses promesses. Un slogan bien trouvé, mais qui paradoxalement ne fera pas date. Non, celui dont toute la France se souviendra, c'est bien le 2 septembre, j'enlève le haut, et le 4 septembre, j'enlève le bas. Au fait, qui est Myriam, le mannequin? Et surtout, que désire-t-elle vendre? Face à ce mystère, certains dénoncent l'exploitation du corps de la femme. Parce qu'enfin, a-t-on vraiment besoin de montrer ses seins et ses fesses pour vendre un produit ou un concept? Certains, publicitaires eux-mêmes, s'interrogent sur la pertinence de ce type de regard et osent parler de propagande machiste. À l'image du publicitaire Jean-Christian Proutot dans l'émission Féminin Présent en 1980. La publicité est très souvent très rétrograde. Elle est à l'image des valeurs souvent d'une société un petit peu dépassée, je crois, vraiment. Et surtout, dès qu'il s'agit de femmes, on a toujours à ce moment-là des stéréotypes qui sont venus des années 50 et de l'Amérique et d'un certain modèle de la femme qui est vraiment consacrée aux tâches ménagères, avec le mari qui travaille, la femme qui reste à la maison, qui est radieuse quand le mari revient. Tout ça n'existe plus, ça n'est plus qu'un rêve de publicitaire. Alors je crois qu'au départ, la publicité essayait de vendre du rêve aux gens, mais maintenant, ce sont les publicitaires qui rêvent. Je crois. Il y a derrière la publicité une propagande clandestine pour un certain modèle social, pour un certain modèle de femme, d'homme, de rapport entre les gens, de domination de l'un par l'autre, et tout ça n'est pas innocent du tout. Je ne dis pas que ce soit voulu consciemment par les publicitaires, et je pense que ce sont plutôt les publicitaires qui ont envie de changer. Mais la pesanteur d'argent qu'il y a derrière, les annonceurs, tout un monde qui est profondément masculin, fait qu'il y a beaucoup de résistance. Au contraire, certains considèrent que cette liberté d'exposition est très bien. Et puis, cette fille Myriam a l'air assez heureuse, consentante, non? Et puis, répétons-le, l'époque était la transgression, à la libération. Mais 68 est passé par là, avec pour mot d'ordre, il est interdit d'interdire. La pilule et l'IVG ont été actées, et le sida n'a pas encore fait son apparition. C'est ce qu'on appelle une parenthèse enchantée. Il n'empêche, 68 ou pas, comment interpréter ce nouvel engouement pour les corps nus conjugués à la consommation grand public? Dès les années 70 pourtant, l'industrie des films érotiques type Emmanuel ou des pornos interdits aux moins de 18 ans font le plein en salle. Sans parler des photos de David Hamilton qui célèbre les corps dénudés des très jeunes filles dont il aurait profité au passage. Mais qu'on les apprécie ou pas, il s'agissait là de fiction. Avec la campagne Myriam, les corps dénudés des femmes entrent dans le concept de la grande consommation, de la pub et du fric. Dans son livre « La décennie, le grand cauchemar des années 80 », l'historien François Cusset analyse les mutations survenues en France entre les années 68 et 90, ce moment de bascule entre la révolte permanente face aux puissants et le consensus béat face au capitalisme. D'après lui, il y aurait un lien entre l'arrivée de la gauche au pouvoir et la mise au ban de ceux qui tiennent encore à respecter certaines normes de pudeur, disons, plus consensuelles, plus traditionnelles. Et ce nouvel assentiment extatique proviendrait de la mainmise de la politique sur l'idée de la fête et du plaisir. Oui, une mainmise servant bientôt à masquer le tournant de la rigueur. François Cusset poursuit. L'atmosphère cette année-là est auréolée de promesses. On écoute Imagine de Lennon, on y danse des slow de façon candide sur la bande originale de La Boum. L'ambiance se fait poudreuse, magique. Tant au ministère de la Culture que du côté des publicitaires en vogue, l'idée consiste à orchestrer et pérenniser cette atmosphère de la fête. Dont acte. En mouvement permanent, Jack Lang crée le Musée des Arts et de la Mode, inaugure le premier Salon du Livre, pose dans Paris Match en même temps que dans Playboy et lance la première fête de la musique destinée à devenir, dès 1982, le plus grand concert du monde, mis en scène afin de ritualiser et de maîtriser le plaisir. À lire le courrier que nous recevons chaque jour ici, ce sont des centaines de milliers de gens à travers la France, des petits, des grands, des musiciens amateurs, des musiciens professionnels qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. On entend en ce moment le canon tonner un peu partout, on entend aussi les monnaies s'entrechoquer. Est-ce bien le moment d'organiser des fêtes ? Mais je crois que si on veut gagner les batailles contre la dépression, contre le chômage, pour la réanimation économique du pays, il faut avoir confiance en soi-même. Et il faut que les forces de vie, toutes les forces de vie, les forces de l'intelligence, les forces de la joie, les forces de l'expression, se mettent en branle. Les forces de la joie. Oui, afin de conjurer l'échec du grand soir et l'arrivée du libéralisme, rien de mieux que de créer du plaisir. Lang le dira lui-même à la Sorbonne en 83, paraphrasant Lénine, la culture, c'est les poètes plus l'électricité. Eh bien, allons-y. L'atmosphère, cette année-là, est électrique et le palace, dont Jack Lang est un habitué, fait le plein. Chaque soir, près de 1500 personnes se bousculent pour parader. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. C'est le monde de la fête. Pour certains, c'est la décadence. Pour d'autres, c'est le merveilleux. Que le palace est un lieu relativement mondain où on peut rencontrer d'autres copains qui sont des copains de copains. Et bon, on est à la fois on y trouve du plaisir et à la fois on y trouve un certain intérêt. L'ancien théâtre palace est bel et bien mort, un nouvel endroit nocturne est né, celui de la fête et de l'éphémère. Un nouvel idéal se focalise alors sur la jouissance des corps. Une vision nouvelle, libérale et libertaire, émerge. C'est-à-dire que le corps n'est plus seulement synonyme d'épicurisme langoureux pour babacool en fumée, mais de machine musclée incarnant la réussite. L'époque passe du « nous » au « je », du « non » au « oui » de Katmandou à la City. Et elle se concentre, cette époque, sur la représentation de l'individu qui se surpasse. Dogmes diététiques, impudeurs vestimentaires, signes ostensibles de richesse et discours sur la positivité partout. Des clubs de gym ou de bronzage apparaissent. Car il faut paraître en pleine forme, le teint à lait devient synonyme de réussite sociale. Sur les plages, le topless devient la norme, tout comme l'idée d'une libido triomphante. Le corps est le nouveau héros, on le célèbre, on l'exhibe, on le moule dans du latex, du lycra ou sous les contorsions de Véronique et Davida. C'est l'émission Gym Tonic, dans laquelle les deux jeunes femmes, une brune et une blonde, donnent des cours d'aérobic. Et à la fin, les caméras s'immiscent dans leur douche et les filment seins nus, complices et souriantes. Les téléspectateurs sont au rendez-vous, Bernard Tapie, marqueur autant que caricature de cette époque, y participe. 1981, c'est enfin l'année durant laquelle, lors du Congrès international de sexologie de Jérusalem, on vulgarise les travaux du docteur Ernest Graffenberg, datant pourtant de 1950, et qui concerne la zone érogène féminine, baptisée point G en son honneur, et censée décupler les chances d'orgasme. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. Sensible. Fabrice Drouel. Ce filon corporel, support de la pub, n'échappe pas aux intellectuels. Le journaliste médical Jean Denis crée avec le publicitaire Victor Friedman le magazine Vital, destiné, je cite, aux gens positifs tournés vers l'avenir et avides de succès. Les dépressifs n'ont qu'à se tenir. En tout cas, le succès est immédiat. 220 000 exemplaires sont vendus en 83. 220 000. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs. Le 14 décembre 79 déjà, invité chez Bernard Pivot dans un apostrophe intitulé « Les publicitaires sont-ils des diables ?», Jacques Séguéla, assis aux côtés de Jean Feldman, qui travaille alors pour Yoplait, La Petite Fleur ou Badois, raconte les exigences de leur métier de créatif. Ah, créatif, ça y est, le mot est lâché, ils vont tous l'employer comme un gimmick. J'ai écrit un livre, faut dire non pas du bien de moi, mais du bien de mon Dieu, de la publicité, parce que moi je ne suis qu'un prêtre là-dedans. Et puis en plus, un grand prêtre. J'espère. Un calife. J'essaye. Un mollah. Tout le monde doit être grand. J'ai cru que vous alliez dire un ayatollah, je n'avais plus qu'à quitter la salle. Et puis, j'ai aussi fait de la publicité sur ma publicité, pour que le message passe, comme disent les publicitaires. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu mégalomane pour être un bon publicitaire? Oui. Il faut être mégalomane parce qu'il faut être fou de nouveautés, fou de différences, fou de passion, et il faut vouloir sauver le monde. Parce que... Sauver le monde? Oui. La publicité peut sauver le monde, et le monde ne le sait pas. Vous savez, la publicité, c'est le dernier bienfait de notre culture. C'est la dernière chose qui nous reste, les autres nous ont tout pris. Les Américains nous ont pris le cinéma, les Anglais nous ont pris la musique, et il nous reste à nous... la publicité pour nous exprimer et pour essayer de faire une génération qui ne soit pas une génération d'imbéciles, comme les Américains ont fait avec leur spot débile, une génération d'imbéciles. Voilà comment la France assiste à l'avènement de ses nouveaux créatifs, autant dire de ses nouveaux prophètes. N'est-ce pas lui, Jacques Séguéla, qui osa dire à François Mitterrand que vous le vouliez ou non, vous devez intégrer les méthodes publicitaires et qui inventa le slogan « La force tranquille ». Il n'empêche, de nombreuses voix commencent à s'élever, chez les femmes notamment. L'une d'elles, Bénédicte Lavoisier, auteur du livre intitulé « Mon corps, ton corps, leur corps », se révolte chez Pivot, devenu un temps le palace des émissions littéraires, là où il faut être, si on veut en être, et le néant. Non, ce qui est grave, c'est qu'on prenne des corps de femmes pour faire rêver, comme si des corps de femmes c'était fait pour faire rêver. Des corps de femmes, c'est. Alors ça sert à vivre. À quoi ça sert de faire parler? Mais la vie, c'est le rêve. Mais parce que là, les femmes, ça doit servir. 50% de notre vie, c'est le rêve. Mais si j'ai pas le droit de rêver sur une femme, sur quoi est-ce que je vais rêver? Sur la guerre? Sur le Vietnam? Sur le communisme? Sur quoi? Je peux vous répondre. Un corps de femme, c'est pas fait forcément pour servir à quelque chose. Mais je ne demande pas ce que ça sert. C'est sur des affiches, on peut pas s'en servir. Enfin, voyons. Permettez de vous laisser parler. Alors vous me laissez répondre. Un corps de femme, c'est pas forcément fait pour rêver. Un corps de femme, c'est pas forcément fait pour quelque chose. Un corps de femme, c'est fait pour vivre aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'à force de se voir représenter comme ça à des milliers d'exemplaires pour vendre des pneus, des lessives, des machins, des trucs, les femmes, elles savent plus où elles sont. Les femmes, c'est des représentations, c'est fait pour faire joli. Mais des femmes, c'est pas fait pour décorer, des femmes, c'est fait pour vivre. Et malgré cette argumentation difficilement contestable, selon un sondage Ipsos de 1985, ils sont 72% à juger la publicité plutôt bonne, 60% à l'estimer proche de la création artistique, et plus de 2 Français sur 3 aimeraient qu'un de leurs proches y fasse carrière. C'est ainsi qu'en quelques mois seulement, les publicitaires ont gagné leur lettre de noblesse. Un nouvel âge d'or s'ouvre à eux, plaque tournante des nouveaux pouvoirs économiques, culturels et sociaux, dont elle abrite les rapports de force, la pub épouse cette nouvelle idée de réussite, ce capitalisme frivole et festif. Plus encore, elle devient son enfant chéri, le plus incontrôlable, le plus hyperactif. Si opposer ou désigner ses dérives, c'est être ringard, dépassé, dérisoire. Genie, Et voilà les artistes qui s'y mettent, chanteurs et cinéastes, eux aussi happés par la pub. Ils ne se cachent plus pour réaliser des spots de pub surpayés. Serge Gainsbourg, que nous venons d'entendre, Jean-Jacques Benex, Claude Chabrol, Patrice Lecomte, Jean-Jacques Hano, sans compter bien sûr Étienne Chatiliez, dont le spot avec les travestis dansant en vinyle orange dans des chaussures Eram feront date. Mes publicités sont arrivées à une époque où la publicité avait ces espèces de lettres de noblesse, bizarrement. De toute façon, après les pantalons pattes d'éléphant, c'est toujours les pantalons très serrés qui viennent. C'est toujours des phénomènes de mode contradictoires et inverses. Donc moi, j'ai profité de ça, et je crois que j'ai été le réalisateur de publicité qui a été le plus servi par la presse. Et ça m'a aidé. On dit toujours, mon Dieu, c'est terrible, parce que vous signez pas vos publicités, je vois pas pourquoi on les signerait de notre nom, faut pas délirer tout de même. Et ensuite, ça m'a aidé pour faire un long métrage, plus que ça ne m'a gêné en fait. Même s'il y a eu des tas de gens qui faisaient la gueule parce que je venais de la publicité et qu'il fallait pas mélanger les torchons et les serviettes, ça m'a plus aidé qu'autre chose. Donc c'est chacun sa croix, comme maintenant la croix c'est celle d'un succès. Bon. C'est que la pub désormais est perçue comme une activité artistique à part entière. Couleurs saturées, rythmes saccadés, elle incarne à elle seule les ingrédients de cette période menée par des jeunes gens pressés, sous des images efficaces, sexy et décomplexées. Slogans grinçants, parfois dérangeants, comme celui pour les yaourts Maminova qui clame dans sa réclame « La mamie que je préfère est dans le frigidaire », glaçant. Une période durant laquelle les femmes à la mode sont dynamiques, conjuguent des mini-jupes à des vestes d'hommes à larges épaulettes et des foulards fluo à des colliers de perles façon Coco Chanel. Mais quelles mesures ont-elles décidé par elles-mêmes de ce nouveau type de représentation? Tiens, ne serait-ce que Myriam, celle qui enlève le haut et le bas. Comment assume-t-elle, à seulement 19 ans, le scandale engendré par les affiches de sa campagne? Que pense-t-elle du fait que cette même campagne a remporté le premier prix de l'Union des publicitaires extérieurs? Noyée dans un tourbillon médiatique, Myriam refuse la carrière de comédienne qu'on lui propose pour se retirer pendant des années dans un monastère bouddhiste. Oui, elle change de nom et devient Yuma Mudra, parcourt le monde pour finalement se consacrer à la danse de la façon la plus discrète possible, bien loin en tout cas du porno chic qui déferlait sur la France. Quand je suis devenue célèbre, tout le monde a voulu m'utiliser simplement parce que mon nom vendait. Ça, je l'ai compris. Tout de suite. En plus, j'avais aussi compris que les filles, on les utilisait. Et j'ai aussi compris que je pouvais profiter de cette occasion. Donc, c'est pas du tout... Là, quand même, je voudrais quand même me présenter un peu décemment. C'était pas du tout que j'étais imbécile et que je voulais pas profiter de l'opportunité et que j'avais peur de toutes ces conneries qu'ils ont écrites dans la presse. C'était pas du tout ça. C'est que moi, j'avais fait un choix depuis le début et que, en fait, je n'ai pas renoncé à ce choix-là parce que c'était ma priorité réelle. Mais j'aime pas le milieu de la mode, je m'en fous en plus. Donc, être mannequin pour moi, c'était pas quelque chose qui m'apportait une satisfaction en soi. Bientôt, la question du corps et du plaisir s'imposera aussi dans les émissions de télé. TF1 propose l'émission Sexy Folies, dans laquelle l'animatrice France Roche anime des séquences de strip poker. Canal+, et son porno du dimanche soir, bien sûr, et même la très sage FR3 qui dégaine des séries roses adaptées de Maupassant ou de Zola. Comme l'expliquera Pascal Bregnaud, productrice à succès de ces années-là, je fais du cul familial, du cul sympa, du cul léger, du cul positif et dans l'air du temps. Du cul léger, oui, et banal, pour faire de l'audience. Sexy Folies, la nouvelle série coquine d'Antenne 2. Un magazine de charme, de séduction, d'humour en 7 épisodes. Avec, en conseillère sexuelle, en Ménie Grégoire des Alcoves, en doctoresse Love Amour, France Roche, marraine ce nouveau magazine sur le sexe. Vous avez des problèmes de cœur ou du reste? Venez donc poser votre question devant notre caméra et j'essaierai de vous répondre en ami. Ce que je voudrais voir, et je veux faire un appel au producteur, c'est qu'ils mettent beaucoup des dessous féminins. Parce que quand on fait l'amour avec une femme, on ne garde pas les chaussures. Au programme, un clip d'amour. La caméra a été confiée à monsieur pour qu'il filme madame dans son intimité. Et madame, à son tour, a filmé monsieur. Oui, enfin, on est quand même loin du porno de Canal+, qui était diffusé les samedis soirs, pas les dimanches. Et voilà, la première nuit des Publivores, lancée en mai 1980 au cinéma Le Rex, dans la Liesse, 20e anniversaire de l'agence leader RSCG, organisée le 13 octobre 1989, de façon assez démente. Ce jour-là, les 2300 salariés de l'agence, une ampoule à la main, forment une étoile géante sur l'esplanade du Trocadéro, avant de rejoindre un dîner de gala au château de Versailles. Entre-temps, la droite est repassée par là, avec en 86 Girac à Matignon. Première cohabitation et baiser de la mort. La France oscille entre socialisme et libéralisme, avant de redonner sa chance au candidat de la jeunesse. À 72 ans, l'affiche Génération Mitterrand, concoctée une fois de plus par l'agence Jacques Séguéla, commence à fleurir sur les panneaux publicitaires, et le chanteur Renaud lance le fameux slogan « Tonton, les spas béton », il sera entendu, et haut la main, 54% des suffrages. La génération Mitterrand a bel et bien pris le pouvoir, et la culture pub s'est institutionnalisée. À son poids symbolique, il faut ajouter cette incursion du pouvoir de la pub dans l'art, lorsque le Centre Pompidou inaugure en grande pompe, en 90, l'exposition nommée « Art et publicité », mais aussi lorsque Drouot organise une vente de vieilles réclames des années 30, ou que le musée Cantini de Marseille lance une rétrospective Jean-Paul Goude, l'enfant chéri de la pub, dont, comme le dit François Cusset, les petits personnages farceurs des spots Kodak sont peut-être aux années 80 ce que sont les chérubins de Fragonard pour le siècle des Lumières. Peut-être, en effet. Les années 80 étaient tournées vers la jouissance et le fric. Notre époque actuelle a oublié le premier et a gardé le second. La pub a donc de beaux jours devant elle, puisqu'il faut vendre, toujours vendre, dans un monde devenu essentiellement marchand. Alors, façon pub, c'était mieux avant ou c'était mieux après ? Change de port. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Demain, j'enlève le bas. Notre invité aussi. Bonjour. Bonjour. Vincent Martini. Je vous rassure, on est tous ravis. Professeur de sciences politiques à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Auteur et même co-auteur, hein, avec plusieurs personnes, vous m'en parlerez, du livre que je tiens entre mes mains, qui s'appelle Année Langue, une histoire des politiques culturelles de 1981 à 1993 et qui vient de paraître aux éditions de la Documentation française. Trois mots et un point d'interrogation. Changer la vie. Il y avait un point d'interrogation à l'époque. Car en vérité, ces trois mots qui apparaissent en tête des quatre chapitres du programme commun de juin 72 deviennent l'hymne de la gauche avec des paroles écrites par Herbert Pagani sur une musique de Mikis Theodorakis. Je dis tout cela parce qu'on voit bien que ça montre l'incursion de la pub dans la politique et du slogan à la place des idées, finalement. J'imagine que c'est pas la seule intention de ce livre, Vincent Martini. C'était quoi l'intention? Avec vos co-auteurs, Laurent Martin et Emmanuel Vallon. Voilà, avec mes co-directeurs, puis les 50 auteurs qui participent à ce livre collectif, c'était de montrer que quand même, il y a une bascule dans les années 80, à un moment donné où la politique a été infusée par la culture de manière sans précédent. Et dans la culture, il y a un peu de tout. Il y a les intellectuels, il y a les grands artistes, mais il y a aussi ce qu'on appelait les créateurs dans un premier temps. Et je disais, on est passé des intellectuels aux créateurs et au fur et à mesure, vous l'avez montré, des créateurs aux créatifs. Alors évidemment, on peut avoir le sentiment d'une dégringolade, mais je crois aussi que c'est une transformation qui intègre justement les slogans dont vous parlez, mais pas seulement, qui intègre ce culte de la fête. Et on voulait montrer aussi ce foisonnement, ce bouleversement, ce foisonnement que représentent les années langues. Et on a tous des en mémoire, et y compris les plus jeunes d'entre vos auditeurs qui n'ont pas forcément connu les années 80, et cultive aujourd'hui encore, il y a un retour des années 80 parce que c'était aussi un moment donné de liberté. Complètement. Et un moment d'hédonisme, vous l'avez dit. Alors, on va revenir à la question de l'essor du secteur publicitaire relayé par l'État. Des accointances entre la pub et la gauche se font jour, ça paraît clair. Ça paraît même au départ paradoxal, parce que si on va avoir un raisonnement un petit peu simpliste, on se dit la pub, c'est le support de l'activité commerciale, industrielle, donc c'est plutôt de droite, c'est un peu schématique effectivement. Là, c'est la gauche qui s'en empare. Il y a deux sujets différents. En fait, d'abord, oui, la gauche, sur un point de vue strictement politique, et je crois François Mitterrand et ses équipes, comprennent qu'on ne peut pas gagner l'élection présidentielle si on n'est pas un peu marketé, le terme évidemment n'aurait pas été employé à l'époque, mais en tout cas, si les personnages, l'incarnation ne se fait pas. Et quand on regarde la campagne de François Mitterrand en 1974, on voit une photo de François Mitterrand en tout petit avec un slogan du Parti Socialiste. Oui. Et ben, cette inversion-là, elle se fait à partir du congrès d'Épinay où François Mitterrand comprend qu'il faut une dose d'incarnation. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et la deuxième chose qui... 71, un congrès d'Épinay, on exactement, rappelle. En 71. Et la deuxième chose que en fait, intervient, c'est-à-dire que au contact de Jack Lang, François Mitterrand et les socialistes comprennent qu'il faut élargir le champ de la culture. Mmh. On peut pas se contenter de dire que la culture, c'est la sculpture, la peinture, la danse, etc. Tous ces enjeux classiques qui étaient mis en avant par André Malraux. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va dire que tout est culture d'une certaine manière. En tout cas, on va élargir le champ de la culture, on va l'intégrer la mode, on va intégrer le rock, la bande dessinée, le cirque. Qui et le palace. Et le palace, évidemment. Et la pub, qui va rentrer, à partir dans les années 80, dans ce panthéon de l'action publique. Hein. Il va y avoir même des établissements de musées de la mode, mais aussi des musées de la publicité qui vont se mettre en place dans les années 80. Et une promotion sans précédent, justement, un élargissement de la catégorie de créateurs, justement, en intégrant les publicitaires, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. Et qui, à mon avis, est une autre explication pour laquelle la gauche et la publicité vont faire bon ménage. Alors, avec le défilé du bicentenaire confié à Jean-Paul Goude, la pub s'empare du mémoriel. Ça, c'est une victoire aussi. Elle élargit quand même son alors, territoire. Alors, c'est une victoire, mais déjà, encore une fois, le rapport à la publicité que vous avez choisi dans cette émission, elle montre toute l'ambivalence de ce rapport de la gauche à la culture. Encore une fois, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et cette marche de Jean-Paul Goude, cette parade des 1000 tribus en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, où justement la publicité s'empare de la mémoire. Jean-Paul Goude, grand publicitaire de l'époque, on vient chercher, voilà, pour faire organiser cette parade vue par des centaines de millions de gens dans le monde. Eh bien, ça montre aussi quand même une perte de sens à un moment donné, ce qu'on appelle le sens perdu des politiques culturelles, à partir du moment où la forme est plus importante que le fond. Et ce combat entre la forme et le fond, en tout cas cette ambivalence entre les deux, eh bien, elle va traverser surtout le second septennat, en réalité, de François Mitterrand. Le premier va être plus concentré sur le fond, peut-être, même si, encore une fois, progressivement, c'est la forme qui progresse et qui prend le pas sur le fond. La pub envahit aussi la télé, elle devient sujet de magazine, sur M6 par exemple. Qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit aux gens, voyez, la pub, ça fait vraiment partie de la culture, pour le coup. Oui, encore une fois, je pense que Jack Lang et ses équipes ont participé à cette dimension-là. À partir du moment où vous commencez à dire que la mode, c'est de l'art, et ça se justifie totalement, hein. D'ailleurs, je crois qu'en 1985, François Mitterrand va inviter les grands couturiers à l'Élysée pour faire un discours important, pour expliquer qu'ils sont des grands créateurs, qu'ils sont des grands artistes. Eh bien, progressivement, qu'est-ce qui valorise la mode, par exemple? C'est la publicité, donc in extenso. Un saut, si vous voulez, de fil en aiguille, on va intégrer toute une série de catégories de gens, et ça correspond aussi à un moment donné, je crois, du tournant libéral dont parle François Cusset, dont parle aussi un de nos co-auteurs, Mathias Bernard. C'est un tournant libéral qui est un libéralisme économique, on l'a dit, la fin du tournant de la rigueur, enfin le tournant de la rigueur, c'est le début du libéralisme, qui mène finalement à l'intégration du libéralisme dans la société française, oui, par la gauche qu'il avait combattu dans les années 70. On est bien loin de la rupture avec le capitalisme, mais c'est aussi un libéralisme culturel, et c'est ce que vous avez dit, non seulement en faveur de l'hédonisme, mais aussi en faveur d'une plus grande tolérance. Et donc cette tolérance, elle va avec ses idées hédonistes, d'ouverture, mais aussi de fric que promeuvent la publicité. La différence avec le mouvement de mai 68, hédoniste également, c'est qu'il n'est pas adossé aux puissances du fric, au contraire. Alors que là, on a le fric et l'hédonisme. Ce sera mai 68 revisité les années 80, par le fric et la pub. Oui, parce que mai 68, c'est tout est politique, la culture est politique. C'est ça, tout est politique. En mai 81, c'est le contraire, c'est tout est culturel. Ouais. Et donc, puisque la politique devient culturelle, la publicité devient l'être. L'économie est culturelle. Hein. Économie et culture, même combat, disait Jack Lang. Et d'une certaine manière, au départ, il voulait dire que pour remporter les victoires de l'économie, il faut remporter les victoires culturelles. Sauf que ce slogan, progressivement, on le voit bien, fait que finalement, remporter les victoires économiques, c'est aussi faire progresser la culture française. Avec les bons côtés et puis les mauvais, puisqu'on a un peu le sentiment parfois qu'il y a une confusion. Le Canard Enchaîné avait ironisé sur ce côté tout est culture de Jack Lang en disant, pour le ministre de la culture, la tarte à l'oignon, c'est aussi une façon de faire culture. Et je crois que probablement Jack Lang n'aurait pas démenti cette idée. Alors on va revenir sur un slogan politique qui mélange la pub et la politique, qui pour le coup est assez génial, c'est Génération Mitterrand. Parce que Génération Mitterrand, en gros, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ça ouvre toutes les portes. Et effectivement, François Mitterrand est réélu en 88, c'est son chef-d'œuvre politique, grâce à l'alliance qu'il arrive à construire avec SOS Racisme, avec la jeunesse, avec les chanteurs branchés, Renaud par exemple, Renaud Tonton, laisse pas béton, et qui ringardise Chirac, et au bout du compte, François Mitterrand est élu avec 54% des voix. C'est un véritable triomphe, et c'est Génération Mitterrand. C'est assez génial, parce que c'est qui cette Génération Mitterrand? C'est tout et rien, et ça passe. Alors c'est très intéressant ce slogan Génération Mitterrand, parce qu'au départ, ce slogan vient d'une publicité américaine, Pepsi, pour Pepsi-Cola, Génération Pepsi. Et si vous observez la Génération Pepsi, c'est exactement le même visuel, les mêmes couleurs, la même idée. Voilà. Mmh. Vous avez le bébé aussi, vous savez, qui se transmet dans les mains de François Mitterrand. Vous avez un bébé Pepsi avec des jeunes gens qui rient, etc., en buvant du Pepsi. Et vous avez, encore une fois, cette organisation de cette publicité est basée exactement comme une copie de la publicité pour Pepsi. Alors ça en dit quand même long, encore une fois, sur une espèce de dérive qui existe, même s'il ne faut pas non plus surexagérer l'importance de la publicité dans une élection, mais elle montre que finalement, l'incarnation prend un rôle de plus en plus important dans la vie politique. Et donc, c'est le début aussi de ce qu'on appelle la communication politique, le marketing politique. Évidemment. Là, qui peut se faire, évidemment, au détriment des idées, au détriment de mouvements de fond, mais même si, encore une fois, on ne peut pas résumer la victoire de François Mitterrand à cette idée. En revanche, ce qui est vrai, c'est que 1988, c'est aussi la fin des programmes politiques. François Mitterrand écrit la lettre à tous les Français, qui est une lettre qui fait une dizaine de pages, très générale, où il s'exprime ses désirs, ses souhaits pour ses concitoyens. Il y a un petit peu de quelques idées, de quelques bouts de programme dedans, mais on est plus encore une fois dans un slogan publicitaire, on veut dire un peu développé, que dans un programme stricto sensu. Là aussi, c'est une vraie évolution, elle a publié pour quelque chose. Vincent Martini, revenons au cœur de notre histoire, la campagne de pub avec Myriam, demain j'enlève le haut et après j'enlève le bas. C'est la condition de la femme dans la pub, c'est la présence de la femme dans la pub et la façon dont la femme est traitée par la pub. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas que ça. En fait, ces années 80, c'est une période, vous l'avez dit, d'hédonisme, de représentations qui peuvent apparaître, et qui le sont, totalement rétrogrades a posteriori. Je pense qu'ils scandaliseraient beaucoup de gens, et on peut le comprendre. Mais en même temps, il faut pas oublier que dans la culture populaire, il y a aussi une évolution vers plus de tolérance, aussi vers les modes de vie différentes. Il faut se rappeler qu'au début des années 80, il y a cette chanson qui s'appelle « Elle a fait un bébé toute seule » de Jean-Jacques Goldman, qui s'écoule à 500 000 exemplaires, qui rentre numéro 4 au top 50, et qui dit que on peut faire un bébé toute seule, on peut avoir une vie libre quand on est femme, on n'est pas obligé de dépendre d'un homme. Je pense aussi à ce fameux tube de Cookie Dingler, hein, femme libérée, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Oui. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. C'est pas si facile, mais c'est possible. Ouais. C'est possible, et cette femme, elle a des amants, et en même temps, elle vit sa vie, elle rigole avec ses amis. Mais c'est aussi, alors, dans la partie versant droit, hein, femme des années 80, de Michel Sardou, qui a été aussi un grand succès, et qui montre à chaque fois des images de femmes qui sont aussi débattantes. Et ça, je crois que si on regarde les années 80, il faudrait pas se limiter à une femme. Et je crois d'ailleurs que Myriam le dit dans son interview qu'on a entendu tout à l'heure. C'est pas seulement une victime, on n'est pas seulement un objet. On s'empare d'opportunités, hein, et en fait, finalement, on fait un certain nombre de choix. Et là, comme toujours, lorsqu'on est un peu historien d'une époque, on la regarde avec, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus ambivalente de ce qu'on imagine. Aujourd'hui, on a tendance à dire, bon, il y a eu mai 68, une libération un peu politique. Les années 80, c'est une catastrophe pour les femmes. Et il faut attendre les années 2000, 2010, 2020, comme aujourd'hui, pour recommencer à reprendre le combat. En réalité, on réalise que c'est pas aussi simple que ça. Et que les femmes, justement, ont été à la fois objectisées, hein, et objectifiées. C'est vrai, mais elles ont aussi été actrices d'une évolution et la culture populaire leur donne une place plus importante qu'auparavant. Et quelle place tient Myriam là-dedans ? Elle est, on se sert d'elle, mais elle se sert aussi de la visibilité en tant que femme pour montrer que les femmes sont libres. Il y a les deux. Bah, c'est aussi ça le libéralisme. Hein. Le libéralisme, ouais. C'est l'émancipation individuelle aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un libéralisme économique et culturel, mais il y a aussi des gens qui deviennent des acteurs autonomes et qui décident de faire ce qu'ils veulent de leur corps, qui décident de faire ce qu'ils veulent, on va dire, et qu'à ce titre-là, on peut pas vraiment les blâmer. C'est ce que nous dit Myriam. Je savais ce que je faisais, moi je me foutais de la pub, mais d'une certaine manière, je m'en suis servi. Et je crois que ça, on le retrouve dans énormément de segments de la société, et les femmes en profiteront comme les autres. Donc si j'ai bien compris, les années 80 étaient des années pop. Ça va plaire d'ailleurs Antoine Decaune qui va prendre la parole sur France Inter dans quelques minutes. C'est pop pop pop, hein, les années 80, on peut le dire. Alors c'est pop pop pop, c'est vrai. C'est des années justement qui mêlent la pop et on va dire la culture traditionnelle. C'est les années où la pop culture prend le pas sur le reste de la culture traditionnelle. Alors je vais vous poser la question infernale, celle des résonances. Ça sera ma dernière question. Que nous reste-t-il aujourd'hui des années 80? Ah, il reste beaucoup de choses. Il reste d'abord un héritage. Mais il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer de prendre l'essentiel. Alors, il nous reste surtout toute une série d'institutions culturelles qui ont fait qu'il y a une politique culturelle dans ce pays, pour commencer. Deuxièmement, il reste le souvenir de combats très importants, antiracistes, pour le combat pour les minorités, notamment pour les minorités sexuelles. N'oublions pas qu'en 1982, il y a la dépénalisation de l'homosexualité. Ouais. Alors, c'est vrai que pour la question du genre, les politiques culturelles n'ont pas été des années flamboyantes dans les années 80, mais pour autant, je pense que beaucoup des combats d'aujourd'hui que reprennent les jeunes gens de 20 ou de 30 ans, eh bien, ils sont nés dans les années 80 et il ne faut pas l'oublier. Belle conclusion. Merci infiniment Vincent Martigny. Les années longues, une histoire des politiques culturelles de 1981 à 1993. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la campagne. Myriam, dommage, enlève le haut. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.